underrated. Vous êtes sur Radio Gémozo 107 FM. Vous pouvez également nous écouter en streaming depuis notre site internet www.radiogemozo.eu. Et aujourd'hui, avec moi dans la bulle, eh bien, j'ai la joie d'accueillir Camille, programmatrice du festival Rock Les Bains. Camille, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup à toi en tout cas d'être venue aujourd'hui dans nos studios pour nous parler eh bien, de ce superbe festival hein, qui aura lieu du 10 août au 11 août. Hein, voilà. C'est bien ça. Ça se passe sur 2 jours. Alors je cite, alors là c'est l'édition 2019, c'est la 5e édition. Oui. Hein, si je ne m'abuse. Alors, niché dans la vallée vosgienne, le festival Rock Les Bains est de retour, eh bien, on l'a dit, pour sa 5e édition, pour votre plus grand bonheur. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis les premières éditions ? Là, j'imagine qu'au bout de la 5e, on peut faire une petite synthèse. Oui, maintenant, on devient rodé. Donc, ça fait depuis 2015 que le festival existe. Donc, ouais. Ça avance vite. On est déjà à la 5e année. Et oui. On a commencé avec plusieurs scènes au sein de la ville de Plombières-les-Bains, ce qui n'était pas évident. On a commencé un peu trop gros. Ah. Mais par contre, on avait des bons artistes, toujours des artistes australiens, avec Kobe Grant, Will and the Bandits, qui sont revenus d'ailleurs l'année dernière. D'accord. Et puis après, les autres années, on a déplacé notre lieu, on a fait une plus grosse scène. D'accord. Et on a accueilli des artistes comme The Shoes. Donc, okay. Déjà, belle programmation. Eh bien oui, c'est toi qui t'occupes de la programmation depuis le début ? Oui. Depuis le début, au début on était en partagé avec la mairie, maintenant je suis toute seule sur la programmation. D'accord. Et donc du coup je gère 8 groupes étrangers. Okay. Et je m'occupe aussi de la production du festival. D'accord, donc dans ta vie c'est le métier que tu fais ou alors vraiment là tu t'impliques au sein du festival Rock Les Bains de façon ponctuelle, voilà ? Alors on va dire que je travaille aussi à côté un petit peu dans la musique, je travaille aux Eurocaines de Belfort en saisonnier. Et puis sinon, non, je fais des études de marketing et communication, mais j'ai fait des études d'art du spectacle. Eh ben voilà, apparemment tu es plutôt douée parce que la programmation c'est une folie là cette année. En tout c'est cas, gentil. Moi personnellement, j'adore. Alors Rock Les Bains, c'est une ambiance vraiment très conviviale. Oui, c'est ça. On essaie d'être accessible pour tous. On aime. Notre but, c'est vraiment de faire connaître des artistes étrangers qui n'ont pas la possibilité de faire des belles scènes en France. D'accord. Et donc, on fait venir des artistes voilà, de partout, d'Angleterre, d'Australie, des Pays-Bas. Ok. Et notre but, c'est de faire découvrir de nouveaux genres musicaux et d'être assez éclectique. Donc, on a autant de la pop que du rock, que du reggae. Ok, on reste pas sur le rock, hein, parce que Rock Les Bains, on pourrait faire un petit peu l'amalgame, ouais. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme je disais, Rock Les Bains, ça vient d'une idée. Enfin, on a constaté que tous les festivals avaient rock dedans, même si c'était pas forcément des festivals de rock. D'accord. Je pense aux Eurocaines, à Rock en Stock ou bien d'autres festivals qui ont le nom rock. Ouais. Et c'est plus une référence à l'essence même de la musique. On sait que la musique s'est développée grâce au rock dans les années 70 et 60. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. Ok, donc là ça se passe le 10 et le 11 août. Est-ce que ça a toujours été sur 2 jours ce festival ? Ça a toujours été sur 2 jours et c'est toujours la 2e semaine d'août. D'accord, ok, voilà. Super. Date fixe. D'accord, donc ça commence à partir de quelle heure ? Où est-ce que ça se trouve ? Alors le festival, on est implanté sur l'avenue de Remiremont, donc à Plombières, ce qui est une belle avenue, notre petit Champs-Élysées. C'est vrai, très joli. Et donc le festival commence à 17h et termine à minuit 30, 1h. D'accord, ok. Donc avec une programmation avec des artistes internationaux, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Comment tu arrives à approcher ces artistes pour qu'ils viennent à Plombières-les-Bains ? C'est vrai que ça peut paraître pas évident, surtout niché au milieu des Vosges, ça peut paraître un peu... Mais c'est joli. Oui, très belle ville, très très belle ville. Et donc, du coup, ces artistes, on va dire qu'il y en a que c'est des connaissances personnelles, donc amis, d'amis, parce qu'on a beaucoup de contacts dans la musique. D'accord. Mais sinon, j'arrive à démarcher facilement les managers pour leur proposer cette date. Ce qui marche beaucoup, c'est l'éclectisme qu'on a au niveau musical. Et on est assez connu pour avoir une bonne programmation. Et puis maintenant, Rock Les Bains, ça devient un nom qui s'implante. Donc, on n'a plus trop de mal à avoir des artistes comme ça. Ça a une bonne renommée, du coup. Oui, ça commence. Eh ben, c'est super. En tout cas, tu fais du bon boulot, là. Tu peux en être sûre. Alors, est-ce qu'il y a je vais y arriver. Est-ce qu'il y a un public autre que Vosgien, justement? Est-ce que, du coup, tes artistes, ils viennent sur Plombières? Est-ce que également les spectateurs viennent d'ailleurs? Alors oui, je reçois pas mal de messages d'Allemands cette année qui veulent venir, en sachant qu'on a aussi des artistes des Pays-Bas, donc on a pas mal de touristes hollandais qui veulent venir, et puis pas mal d'Anglais. Oui. Et sinon, y en a des gens qui viennent des quatre coins de la France, autant du Nord-Pas-de-Calais que du Sud, et du coup, c'est un événement qui réunit pas mal de monde des quatre coins de l'Europe, on va dire ça comme ça. Du coup, on en profite pour découvrir également la ville de Plombières-les-Bains à ce moment-là? C'est le but, justement, de faire découvrir cette belle ville avec cette architecture napoléonienne qui est vraiment très belle. Comme je dis, c'est un peu notre petit Paris, parce qu'on a la joie d'avoir une architecture vraiment, vraiment sympathique. Et c'est une ville qui est connue uniquement pour ses thermes. Donc, on veut aussi montrer que Plombières-les-Bains, c'est pas que les thermes et qu'il peut y avoir aussi de la musique dans cette ville. Bah oui, il y a plein de belles choses à Plombières-les-Bains. C'est vrai que c'est magnifique pour y avoir habité. Je peux en témoigner. C'est pas très objectif, mais c'est pas grave. Du coup, j'imagine que là, la commune, la mairie, etc., ils participent vraiment de façon active à ce projet? Alors oui, l'événement, s'il peut se reproduire chaque année, c'est grâce à la mairie de Plombières-les-Bains, qu'on remercie de tout cœur pour son soutien depuis 5 ans. Oui. Et puis aussi aux acteurs locaux, comme le département, et puis aussi des partenaires privés. Donc on a la joie de pouvoir faire cet événement, surtout grâce à la mairie de Plombières-les-Bains. Eh ben, qu'on remercie en tout cas. Dans quelle initiative est né ce festival? Vraiment, quelle est la principale motivation pour avoir... créer un festival comme celui-là? Alors, on va dire qu'il y a eu deux motivations principales. La première, c'est de faire connaître Plombières-les-Bains en dehors des cures, comme je l'ai dit, et de faire connaître surtout au milieu parisien et puis au milieu de la musique. Donc, faire venir un public plus jeune qui s'intéresse vraiment à la musique, des personnes festives et enthousiastes, on va dire. Et puis, deuxième but, c'était de faire connaître des artistes étrangers sur le sol français, parce qu'on a essayé de les démarcher sur des gros festivals et on n'a pas eu de retour. Et donc, on s'est dit, si les festivals ne veulent pas d'eux, bah nous, on va créer notre festival et les programmer. Ah bah ça, c'est beau, ça. T'as bien fait, je pense. Est-ce que t'as un bon retour, justement, des artistes qui sont venus au sein de ces festivals, qui ont apprécié de venir à Plombières? Ça paraît complètement fou, d'accueillir des artistes australiens, internationaux, qui viennent à Plombières. J'imagine qu'ils doivent être un peu quand même charmés par cette ville. Oui, ils sont totalement charmés. Ils veulent revenir en tant que touristes. Oui. Et ils adorent, comme ils disent, les baths, donc les bains romains. Qu'ils aiment particulièrement, ils veulent toujours aller se baigner et ils adorent la ville pour ça. Donc non, ils sont très heureux de venir et de découvrir un beau décor comme ça avec pas mal d'activités. C'est vrai que on se rend pas compte de la richesse du patrimoine français et c'est toujours les étrangers qui nous rappellent qu'on a un beau pays. C'est vrai. Donc c'est pour ça, ils sont toujours très heureux, ils nous disent toujours qu'on a une très belle organisation. Et ça fait plaisir. Ah ben, c'est sûr, j'imagine que ça fait plaisir. Alors, je te propose qu'on se lance dans une première bulle de son, playlist spécialement concoctée par toi. J'imagine qu'on là, on va écouter un petit peu ce qui va se présenter au sein du festival, c'est un petit peu le but. Et là, tu nous proposais la tête d'affiche. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'est le groupe Ocean Alley qui est premier des ventes en Australie actuellement. Eh oui. Qu'ils ont été bien classés sur 2019. Ils font des festivals en Australie aux côtés de Tame Impala, de Childish Gambino, donc vraiment de la très bonne programmation. Oui. Pardon. Et donc c'est un groupe qu'on peut qualifier comme reggae, avec quelques influences de ska, mais aussi du pop. Ok. Ouais. Et le chanteur à la voix de Lenny Kravitz, je le dis toujours. Ah, ben on va écouter ça tout de suite. Ocean Alley pour Confidence. Je le dis pas en anglais parce que j'arrive pas, donc j'ai arrêté d'essayer. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Mmh. Ocean Alley pour Confidence, voilà, que vous retrouverez bien sur la scène du Festival Rock Les Bains. Alors, il me semble qu'ils seront là le dimanche, c'est ça? C'est bien ça, dimanche soir, donc en tête d'affiche vers 22h. Oui. Ça va être un beau concert. On a un feu d'artifice à la fin de la journée du dimanche. Ah bah oui, quand même. On fait les choses bien. En tout cas, c'est vraiment un son de folie. Moi, j'ai déjà mis dans ma playlist ce nouveau son. Merci en tout cas de nous faire découvrir tout ça. Alors, on va peut-être quand même se lancer dans la programmation. Déjà, est-ce que la scène sera en extérieur du coup ? La scène est en extérieur, donc okay. Au milieu de la promenade des Dames, on occupe à peu près 200 mètres. On a une très belle scène. Oui. Vraiment, ça fait tout le charme de notre festival. D'accord. Et donc on va essayer de faire un peu de scénographie, donc avoir de la belle décoration. Oui. D'avoir un espace plutôt chill, on va dire ça comme ça. Ah, ça c'est bien ça, on aime bien le chill. Est-ce que du coup il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent avec vous au sein du festival pour créer toutes ces ambiances et tout ce qui va avec ? Oui, on est 35 bénévoles donc, sur le festival sur les deux jours. Ouais. Puis après, on a des associations plombinoises qui ont des stands et qui travaillent aussi au décor, aux petits espaces conviviaux. D'accord. Donc, avec des ballots, on essaie de faire une ambiance un peu champêtre dans D'accord. le style de ce qui se fait sur Paris, au We Love Green, par exemple. Okay. Et ça réussit. L'année dernière, on a bien réussi sur ce point. D'accord, ok, super. Donc, pour notre plus grand plaisir, surtout, n'hésitez pas. Alors, il me semble que la participation est libre pour l'entrée de ce festival. C'est ça, entrée libre. Donc, chacun peut contribuer à sa manière au festival en donnant ce qu'il souhaite. Ouais. C'est un peu une caractéristique qu'on a voulu conserver pour rendre la musique accessible à tout le monde et ne pas limiter, parce qu'on sait que les festivals maintenant coûtent un certain prix et, oui. et que y a pas forcément tout le monde qui peut se le permettre. C'est vrai. Et donc on souhaite donner un beau spectacle aux personnes tout en étant un petit prix, on va dire. Ben c'est super. En plus, ça donne un petit peu accès à la culture pour tous. Et ça, c'est vraiment important. Hein. On ne reste pas chez soi. Le samedi 10 et le dimanche 11 août, on se retrouve à Plombières-les-Bains pour ce festival Rock les Bains, dont on va un petit peu détailler la programmation quand même avec toi. Ça tombe bien, c'est toi qui t'en occupes. Ouais. Alors, je te laisse un petit peu nous dire tout ce qu'on va pouvoir retrouver, tous les artistes qui seront présents, en tout cas, sur ce festival. Oui, donc on a 8 groupes, ouais. avec en tête d'affiche Ocean Alley qu'on vient d'entendre. D'accord. Après Lime Cordial, un groupe australien aussi. Ouais. On a 2 groupes français, Beachunkf et The Slow Slider, qui sont des jeunes groupes qui font des belles scènes déjà, les beaux regards, ils ont fait des gros festivals. Et on a après du ska, dub ska, un peu reggae avec Bear Jams, des Anglais. Okay. Starfish aussi du reggae et c'est des Hollandais. Et est-ce que j'oublie encore des personnes ? J'ai du mal à voir Goldmember, un groupe australien. Ok. Et peut-être que j'en ai oublié, mais j'ai du mal à tout remettre en tête. J'imagine. De toute façon, vous pourrez retrouver toutes les infos nécessaires directement sur le site www.rocklesbains.com, où là, vous retrouverez le détail de tous les artistes que vous pourrez retrouver, puis toutes les informations en général qui sont quand même très importantes. Par exemple, on peut se loger directement, y a un camping à côté, on peut rester là. Alors, nous, on n'a pas de camping, mais la ville de Plombières-les-Bains a 2 campings qui sont très bien. Le camping de l'Ermitage et l'autre camping, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais donc, il y a 2 campings, il y a beaucoup d'hôtels à Plombières-les-Bains. Ouais. Et donc, nous n'avons pas de camping, mais nous avons beaucoup de parking et des hôtels, ce qui est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Comme ça, on peut rester sur place. J'imagine aussi qu'on peut se restaurer, etc. Oui, bien sûr. Sur le festival, il y aura plusieurs stands de nourriture avec des food trucks, avec des stands associatifs qui vont fournir de la nourriture et puis aussi des boissons. Eh bien oui, forcément. Forcément, des buvettes. Forcément, c'est le point phare. Alors, on va peut-être se lancer dans notre deuxième bulle de son avec Lime Cordial. Hein, tu nous en parlais tout à l'heure. Alors, ils viennent d'où un petit peu ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur eux ? Alors, Lime Cordial, c'est mon groupe coup de cœur de cette année. D'accord. Parce que c'est un groupe australien qui monte pas mal. Et puis, ils ont aussi la même occupation que moi. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur festival de musique en Australie qui s'appelle The Squeeze. D'accord. Avec le même intérêt, c'était de faire connaître des petits groupes sur le territoire australien. Ok. Festival qui marche très bien, implanté à Sydney et Melbourne. Tu as déjà été ? Non, mais peut-être bientôt. Et donc, c'est un groupe qui fait du pop-rock australien. C'est vraiment un groupe super, un peu déjanté, mais très sympathique. Vous les retrouverez sur scène le samedi 10 août à Plombières. Ça met un peu la pression de recevoir un peu des groupes comme ça qui organisent eux-mêmes des festivals? Oui, parce qu'on se dit ils auront le même regard que nous sur les autres festivals. Ils vont peut-être être un peu critiques et comprendre tous nos défauts. Mais après, c'est le challenge, c'est ça qu'on aime. Est-ce que tu vas un petit peu à droite, à gauche pour repérer des groupes que tu aimes? Oui, je fais beaucoup de concerts sur Paris, Supersonic. Aussi à l'international à Paris. Et puis, je fais beaucoup de festivals. J'ai fait les Eurocaines de Belfort, aussi le Cabaret Vert, où Ocean Alley, d'ailleurs, sont programmés au Cabaret Vert cette année, oui. Juste après nous. Et puis, j'essaie de partir à l'étranger pour voir ce qui s'y fait et quelles sont les nouveautés musicales. Eh bien, voilà, on vadrouille musicalement et ça, c'est plutôt cool. Alors, on écoute tout de suite ce groupe et on se retrouve juste après. L'âme cordiale pour Monet que vous retrouverez sur la scène de Rock les Bains et ça sera le samedi. C'est ça, pareil. Même horaire que Chenalet, 22h sur le samedi. Ok, donc ça commence à quelle heure vraiment les festivités, si je puis dire? Alors, le festival ouvre à 17h. D'accord. Et les concerts commencent à partir de 19h30. Ok, super. Voilà. Donc on peut rentrer, sortir du festival comme ça, ça c'est important de le dire parce que souvent bah, dans les festivals on rentre et puis on peut plus sortir. Oui, non là vous pouvez rentrer, sortir comme vous voulez, il n'y a pas de souci. On a mis ça aussi en place, liberté d'accès, comme ça les personnes peuvent aller visiter la ville la journée ou en fin d'après-midi. Oui. On a un service de sécurité par contre comme dans tout festival avec fouille, mais sinon on n'a pas d'accès comme c'est un festival à entrée libre. On n'a pas d'accès limité, on va dire. Ok. On vient avec papy, mamie, les enfants. On peut venir avec toute la famille, là? Oui, toute la famille peut venir. On a des espaces pour s'asseoir. On a des coins conviviaux. Donc, vraiment, c'est pour tout âge. C'est intergénérationnel et ça, c'est plutôt cool, quoi. Oui. Hein si jamais il ne fait pas beau, est-ce qu'on en parle? Non. Il fera beau, donc. Il fera beau, c'est sûr. Okay, super. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Rock Les Bains. Qui s'occupe de ce site internet qui est très beau? C'est moi. J'ai fait le site internet. Comme j'ai fait une école de communication, on m'a appris à faire des sites. Donc, j'ai mis cette faculté à disposition pour le festival. Tu es multicasquette? Oui, c'est ça. J'essaie, du moins. Le festival Rock Les Bains, est-ce qu'il est né par rapport à une association? Oui. Est-ce qu'il y a une association derrière tout ça? Donc, le festival Rock Les Bains, organisé par l'association Rock Les Bains, du même nom. D'accord. On est 4 personnes actives et puis, comme j'ai dit, à peu près 35 à 40 personnes sur le festival. D'accord. Beaucoup d'amis, de familles. Donc, il y a tout âge. On a des bénévoles qui ont 6-7 ans. Ouais. Puis, on a des bénévoles de plus de 70 ans. C'est ça qui est beau dans cette organisation. Que font ces enfants? Ils aident à tout, autant pour le catering, donc la gestion des buffets, que nous rapporter des petits bancs sur la journée, enfin, ce qu'ils peuvent porter. C'est super. Oui, c'est vraiment sympathique. Une belle expérience pour eux. L'association, elle est née en même temps que le festival, du coup, elle a été vraiment créée pour ce festival. C'est ça, l'association est vraiment née pour soutenir le festival et gérer l'organisation du mieux possible. Oui. Donc, on aimerait bien faire des activités autres sur l'année, mais c'est vrai que le festival nous prend beaucoup de temps. Et oui, ça prend combien de temps à organiser un festival ? Ça prend un an. Quand on termine le festival en août, on reprend tout de suite l'organisation sur septembre. D'accord. Pour anticiper autant la communication que la programmation. Qu'est-ce qui prend le plus de temps ? Ce qui prend le plus de temps, c'est la communication, je dirais. Se faire connaître, faire des campagnes d'affichage, faire des petites interviews, comme maintenant. Eh ben oui. Donc la communication est un gros travail, mais aussi la programmation, tout ce qui est gestion de production, c'est aussi... beaucoup d'administratifs et de contacts à avoir, donc c'est pas mal de travail. Ok, vous êtes tous résidents de Plombières-les-Bains pour ceux qui participent? Non, on a des personnes du quatre coins de la France, on a autant des personnes de Lille que des personnes de Paris. Ah oui. Moi-même, j'ai fait mes études à Strasbourg. D'accord. Donc j'ai été sur Strasbourg pendant les 5 années du festival. Donc, mais sinon, on est sur Plombières pour toutes les vacances depuis pas mal de temps, peut-être 8 ans maintenant. D'accord, ok, donc pas natif de Plombières. Pas natif de Plombières. Alors pourquoi Plombières du coup? Pourquoi ça se passe là-bas? Alors mes parents ont des biens à Plombières et puis on y allait en vacances depuis 8 ans et on s'est dit que c'était une très belle ville et qu'il fallait contribuer au développement culturel et aux activités plombinoises. Oui. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aider la mairie sur l'animation. Voilà, un coup de cœur pour la ville et puis c'est parti. C'est ça, et puis un coup de cœur pour les Vosges aussi, qui est une très belle région. Mais ça, je ne te le fais pas dire. Alors, on va se lancer dans notre troisième bulle de son avant de terminer cette émission avec le groupe Beach Youth. Oui, Beach Youth, ouais, c'est voilà, ça. Tu le dis tellement mieux. Alors, d'où vient ce groupe? Alors, c'est un groupe de Caen, c'est un quatuor. Qui ont eu pas mal de représentations TV. Ils sont passés au petit journal, en 2016, qui se renomme maintenant Quotidien. Et oui. Donc ils ont fait des belles scènes, le Festival Beauregard. Et puis, au niveau du genre, ça fait penser à Métronomie, donc du pop-rock indé. Ok, donc toi, ta sensibilité musicale, est-ce qu'elle se retrouve un petit peu dans toute cette programmation? Oui, la programmation, c'est ce que j'écoute annuellement, donc c'est ma playlist en live, on va dire. Wow, ça doit être génial quand même. Ça, c'est vraiment le beau de ce travail, c'est de pouvoir accueillir des artistes qu'on admire, pouvoir les rencontrer et pouvoir les faire connaître à d'autres personnes. Donc c'est ce que j'aime dans ce travail de programmation, c'est de mélanger tous les genres et de mettre des artistes qu'on apprécie beaucoup. Est-ce que tu arrives à profiter du festival et des scènes qui s'offrent à toi ? Pas trop. C'est ce qu'en général on nous dit quand on s'active vraiment sur un festival, on ne profite pas spécialement. Faire un festival, c'est avant tout faire un festival pour les autres parce qu'on n'a pas, on n'a pas le temps pour profiter des concerts. Et ouais, en général, on voit 20 minutes du dernier concert, un peu à la hâte. Mais bon, après, on peut les voir sur d'autres concerts, c'est pas le souci. Voilà. Et puis, c'est un plaisir de travailler dans la musique. Et même, et puis de rencontrer ces artistes qu'on admire aussi, ça doit être vraiment ouais, grandiose. C'est un peu de pression quand même, ouais, mais c'est toujours des belles rencontres en J'imagine. Général. J'imagine. Donc, on écoute tout de suite ce groupe Beach Youth et on se retrouve juste après. Voilà pour ce groupe que vous retrouverez une nouvelle fois et bien sûr le festival de Rock les Bains. Alors vous n'oubliez pas, hein, ça se passe du 10 au 11 août à Plombières-les-Bains, promenade des Dames, hein, vous pouvez pas manquer, c'est quand même l'avenue principale, en tout cas une très belle avenue de Plombières. Alors j'imagine que les routes vont être barrées quand même, mais il y a des parkings, tu nous disais avant, hein. Oui, il y a le parking de la rue Fulton qui sera toujours disponible. Bon, c'est vrai qu'on occupe le plus grand parking de Plombières, mais on va développer d'autres espaces avec la route du Dandiron qui sera complètement accessible au parking et oui, complètement bloqué pour ce festival. D'accord. Et puis aussi du parking dans des champs. Voilà, tout à fait. la route. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Hein. Oui. Comme ça, voilà, les passants peuvent, les spectateurs peuvent se mouver comme ils en ont envie, en toute sécurité, en tout cas, au sein de ce festival. Alors, on a écouté plusieurs groupes, et tu nous disais en off que, voilà, on peut se procurer les albums de tous ces artistes directement sur le festival. Hein, je pense qu'à un moment donné, il y a des gros coups de cœur, et sachez que c'est possible, vous pourrez repartir avec votre album. Oui, c'est exactement ça. Tout est dit. Voilà. Donc, on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Rock les Bains. Il y a une page Facebook aussi ? Oui, on a une page Facebook du même nom, donc Festival Rock les Bains, ouais. Où on met toutes les actualités, on met les clips des artistes. On a aussi l'after movie du Festival 2018. D'accord. Et le teaser de cette année. Eh bien voilà, plus de raisons pour ne pas venir. Vous en avez entendu parler, vous irez voir. En tout cas, merci beaucoup à toi, Camille, d'être venue jusqu'à nos studios pour nous parler de ce festival. Et puis encore bravo pour tout le travail effectué jusqu'ici et pour cette très belle programmation. On embrasse également toute l'équipe de bénévoles sans qui les choses ne pourraient pas se faire. La commune, les artistes, voilà, on vous embrasse tous bien fort et on vous souhaite un très très bon moment au sein du festival Rock les Bains 2019. Merci beaucoup. À bientôt. Underrated.